Et bienvenue au Grimoire de Merlin, le rendez-vous des nouvelles milices contre-sémitiques. Et oui, il faut s'organiser contre le sémitisme, car il ne fait que trop empiéter sur nos esprits et nos libertés. Alors, une fois n'est pas coutume, mes chers Goy, je commence cet épisode avec un petit hommage à un Algérien, notre Algérien préféré. Oui, alors vous allez me dire, oui Merlin, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce qu'on en a foutre des bougnoules, c'est quoi cet Algérien, c'est quoi cette histoire? Bon alors, calmez-vous, il s'agit d'un confrère. Il s'agit d'un sorcier, un grand sorcier qui m'a, je dois dire, beaucoup inspiré. Vous allez comprendre. Ça a l'air flou, là, je vous sens perdu. Attendez, on est là pour apprendre. Attendez une minute. Eh bien, il s'agit de Hemmed Mwalek, qui aurait pris 5 ans ferme cet été 2021 pour s'être exprimé sur YouTube et dire certaines vérités, bon, qui dérangent. Et qui dérangeait notamment cette espèce de sale gros porc de porcin, meilleur Habib, qui s'en était fortement réjoui sur Twitter. C'est comme ça que j'ai appris l'info d'ailleurs. Alors, Hemmed Mwalek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Les juifs sont bien aux commandes. Dès que tu parles juif, tremblement de terre. Bon, qui a décidé que le juif il a un statut particulier? Donc, c'est bien eux qui tiennent tout. C'est tout. C'est une question de bon sens. Tu peux pas parler des juifs. Donc ils se sont donné les moyens de se protéger. Qu'est-ce que vous voulez, que les gens soient asservis à vous éternellement, le juif? Rends les terres, espèce de sale voleur. Rends les terres, sale juif. Sale voleur de terre. Rends les terres. Mais Hemmed Mwalek, c'est aussi ça. Ah, puis tu veux que moi je sois gentil avec toi, espèce de sale juif? Tu mets ma famille en danger, espèce de sale juif? Vous censurez les gens, espèce de sale juif? Qu'est-ce que tu crois, toi? Que je vais me taire? Que je vais les... Sale juif, je te dis, moi. Moi, je dis la Shoah, elle a existé. Allahu Akbar. Va te faire enculer, toi. Tes ancêtres. Ta Shoah, ton Israël. D'accord? Les gens vont dire, c'est vous. C'est vous qui haïssez le reste du monde. Parce que vous êtes de la sale race maudite. N'inversez pas les rôles. Vous, les sales juifs, avec vos médias de sales juifs. Allô, l'antisémite, va te faire enculer, espèce de sale race de sale juif que t'es. D'accord? Et tu crois quoi? Que je vais me taire? Espèce de sale juif qui vous êtes fait virer d'Algérie? Allahu Akbar! Écoute bien, espèce de sale juif. Vous allez dégager de cette France. Espèce de sale juif. Vive la Shoah! Vive la Shoah! Et vive la Shoah! Et voilà, donc, performance hors norme, avec cette touche algérienne unique, je trouve, une vraie leçon de sagesse et de courage. Prenez-en de la graine, mes goy. Prenez-en de la graine. Bien, alors, passons au grimoire, à la leçon de démonologie juive du jour, mes amis, avec Louis Lévy. Voici son poème intitulé « Les glandes de l'humanité », datant de 1918, publié et relayé par les journaux au Danemark. Il fut récité en public par l'acteur Samuel Bisakow lors d'une grande fête juive, devant une foule de juifs en délire, en plein Copenhague, le 8 décembre 1935. J'ouvre les guillemets. Les temps sont venus, et une seule chose importe maintenant, c'est que nous nous manifestions pour ce que nous sommes, une nation entre les nations, les princes de l'argent et de l'intelligence. Un soupir va s'élever de toute la terre, et les foules frémiront tandis qu'elles écouteront attentivement la sagesse qui réside chez le juif. Qui ignore ce que signifient les glandes du corps humain? Bien, maintenant, par un judicieux instinct de conservation, les juifs se sont fixés dans les glandes de la communauté moderne des peuples. Les glandes de cette communauté des peuples, ce sont les bourses, les banques, les ministères, les grands journaux quotidiens, les maisons d'édition, les commissions d'arbitrage, les sociétés d'assurance, les hôpitaux, les palais de justice. Il y a quelques publicains et quelques pêcheurs, des savants et des professeurs qui affirment qu'il n'y a pas de question juive. Demandez-le donc au premier voyou qui passe dans la rue. Il est mieux renseigné. Par sa jalousie briqueuse, ce rustre est un antisémite. Naturellement, il faudrait que le peuple juif ait une représentation internationale et un territoire national qui lui soit propre. Mais ne croyez pas que les juifs de l'Europe occidentale bougeront d'un pas. En apparence, tout restera inchangé. Cependant, tout sera transformé. Jérusalem deviendra la nouvelle papauté. Jérusalem ressemblera à une grande araignée tissant laborieusement une toile dont les fils d'électricité et d'or brilleront sur le monde entier. Le centre de ce réseau d'or, d'où sortent tous ces fils, sera Jérusalem. Fin de citation. Je ferme les guillemets. Et je ponctue cette leçon de survie parasitique du juif avec Ernst Blumenthal, rédacteur du journal juif suédois Judist Tidskrift, qui veut dire le journal juif, hein, tout simplement en suédois. et qui écrivit dans le numéro 57 de 1929 « Notre race a donné au monde un nouveau prophète. Mais il a deux visages et porte deux noms. D'un côté, son nom est Rothschild, chef des grands capitalistes, et l'autre côté, Karl Marx, l'apôtre des ennemis du capitalisme. » Et bien voilà une preuve supplémentaire que la vocation du juif est de devenir, coûte que coûte, l'alpha et l'oméga de nos sociétés. Ils doivent être dans les deux camps lors des conflits. Ils doivent créer le besoin et la demande. Ils doivent contrôler le pour et le contre. Créer des problèmes pour ensuite diffuser leur esprit puant en guise de solution. Il va falloir que l'égoïme se bouge sérieusement le cul pour sortir de ce sandwich au caca avant de se faire bouffer. Sur ce, je vous laisse faire le plein d'insecticides. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. C'était Merlin en direct de Berlin. Vive la Shoah ! Vive la Shoah ! Et vive la Shoah !